musicothérapie. Un cerveau, une voix, en musique ou a cappella, c'est la thérapie qui me soulage des orages de la vie. Elle m'a diverti puis séduit. J'écris pour exister, vider mon âme. Évidemment, je consomme les mots et les mots par kilogramme. Tous ces soucis me pèsent, alors j'écris, ça m'apaise. Mon art comme seule âme, l'encre coule comme des larmes. C'est le fouillis dans ma tête, j'ai besoin d'extérioriser la tempête. Emporté par une tornade poétique, j'effectue ma gymnastique rythmique. Je fais des échauffements, des mouvements, des étirements lors de mon yoga grammatical. Je me place sur les starting blocks et je mets le turbo sur le tempo qui se traduit par un sprint verbal. Je sors des bas-fonds, ça part d'un bon fond, mais les bas-fla fond. Windows 13, j'ai perdu mon stress. Je patine du rythme, pour oublier, je mets du rythme. J'utilise les mélodies et les mots, en guise de thalasso. Le stylo saigne, le stylo pleure, le stylo parle, jusqu'à tes haut-parleurs. Le monde est ma muse, la musique m'amuse. J'aime cet art, je pratique jusqu'à tard. La rythmique est ma drogue, je la promène partout, tel un bulldog. Je passe du aigu au grave, je change d'octave. Ça manquait de beau texte, alors je me suis lancé. Puis c'est devenu mon botox, donc j'ai continué ma lancée. Ma passion dévorante en récurrente mes nuits blanches. Des mots sortent de ma bouche, je me contrôle plus, paraît que je louche. Je dois avoir l'air louche, mais c'est qu'une mise en bouche. Si l'extraordinaire est une cuillère, la musique est une louche. Une dose stress, j'ai perdu mon stress. Je patine du rythme, pour oublier, je mets du rythme. J'utilise les mélodies et les mots en guise de thalasso. Le stylo saigne, le stylo pleure, le stylo parle jusqu'à tes haut-parleurs. De ma tête, des textes riches surgissent. Je rajoute des mélodies pour que ça rugisse. J'ouvre ma bouche à rime, j'actionne la boîte à rythme. Je prends le beat, je prends le mic. Je me soigne musicalement, mes mélodies m'administrent des calmants. Victime de pulsions musicales, j'envoie des décharges lexicales. J'ose poser ma prose, je l'expose. Quand tu l'écoutes, à l'oreille, elle t'explose. De la bonne prose, j'en consomme à haute dose. Aucun problème se pose, j'ai trouvé mon osmose et je frôle l'apothéose. L'histoire se construit au fur et à mesure que je bats la mesure. J'entre dans un cosmos intemporel, parallèle, irréel, surnaturel. Windows 13, j'ai perdu mon stress. Je patine du rythme, pour oublier, je mets du rythme. J'utilise les mélodies et les mots en guise de thalasso. Le stylo saigne, le stylo pleure. Le stylo parle jusqu'à tes haut-parleurs.